La troupe artistique Wang Zhisheng continue sa tournée dans la province du Liangang. Ayant levé le rideau dans l'arrondissement de Samdion le 7 courant, les artistes se sont produits ensuite dans la ville de Hessen avec un grand succès.